On va parler de du côté des Aigles de Robertval avec notre ami Simon Gaudreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, c'était le tournoi en fin de semaine. Comment ça s'est passé du côté de Alma? Du côté d'Alma, on n'avait pas de coupe à l'heure. Ok, non, c'était le tournoi Pee-wee Jonker, excusez-moi. Ouais, tournoi Pee-wee Jonker, dans le fond, c'était nos Benjamin qui était là. Ok. C'était un rendez-vous, c'était une Coupe de Montréal entre quatre équipes. Puis dans le premier match, là, on a affronté les Lynx du pavillon au bas du four. On s'est incliné par attaque de 4 à 2 dans un filet d'hiver. Un match chaudement disputé. Là, on n'avait plus vraiment de marge de manœuvre. On a affronté une équipe là, de l'équipe de Champlain qui avait vaincu 8 à 1 au planète à Montréal. On a sorti là avec un verdict nul de 0-0. Là, notre gardien était flamboyant et Melky était vraiment tout feu, tout flamme. En fond, ça nous a redonné vie. Fait que là, fallait absolument avoir un bon résultat là, pour le match numéro 3 contre les Mustangs. Dans l'année, là, c'était assez serré. Des nuls puis une victoire de chaque côté. Donc là, on a gagné 5 à 1 ce match-là. Donc ça nous a classé. On a fini on s'est rendu en demi-finale contre les Lynx. On jouait le samedi soir à 16h45 contre les Lynx. C'était un match de demi-finale pour se rendre là, à la grande finale. On a gagné 2-0 le match. Shane Bleu nous attendait là, dans le match de 9h le soir, dans la même journée. On s'est incliné par la manque de 4-0. Un match bon, manquait énormément d'énergie dans ce dernier match-là, mais il faut donner crédit à l'adversaire. Ils ont très bien joué et ils ont une très bonne équipe d'hockey. OK. Donc, ça fait pas mal de tours. C'était une première édition pour ce tournoi de Jonquin. Donc, on est content, j'imagine, du côté de... Du côté de l'organisation et du côté ben de... Oui, c'est ouais. Sûr. Comme je disais t'sais, à différents journalistes, là aussi, pour notre programme, c'est très bon. On affrontait des programmes établis un peu partout au Québec. Puis on a réussi à rivaliser. Oui, c'est là, le résultat tourné de notre côté. Ça veut pas dire que c'est tout le temps ça, que ça va être tout le temps ça, mais ça prouve qu'on est de calibre avec eux. Puis on est capable de rivaliser par rapport à notre programme. Ça n'avait pas été facile d'avoir nos équipes. Puis on a une équipe qui est très compétitive au niveau de la province. On est très, très contents. Ça nous amène une belle visibilité. Puis, si on veut en profiter. OK. Dis-moi maintenant, en fin de semaine, il se passe quoi? Dans la fin de semaine, on avait deux autres ouais. Tournois. On avait les Canucks qui étaient au tournoi de Chien Bleu à Montréal. Okay. Eux, ils se sont classés là, en quart de finale pour le tournoi. On a perdu là, contre les Estacades de Trois-Rivières. Une très bonne équipe dans notre division. C'est la première ou la deuxième équipe de la section. Et puis, on avait les Juvéniles là, qui étaient en tournoi également à Châteauguay, qui n'ont pas réussi à se classer. Ils ont affronté là, des équipes là, de... Des très bonnes équipes là, dans le secteur de Montréal, donc ils n'ont pas réussi à se classer pour les quarts et les demi-finales. Mais dans l'ensemble, là, c'est plaisant. Ces tournois-là à l'extérieur, ça leur a permis de jouer contre des équipes là, qu'on ne joue pas dans la saison, là, parce que dans notre saison, on joue seulement contre notre section. Donc là, on a pu voir des équipes là, des différentes sections, fait que ça, c'est intéressant. OK. Donc, ça fait pas mal de tour. En fin de semaine maintenant? En fin de semaine, déjà un petit peu commencé, là, du fait qu'hier, on a eu des matchs, là, Cadet okay, jouait, oui. Juvenil jouait. Dans le fond, hier, là, le Cadet a gagné contre Cardinal Roy 2-0. Tandis que nos Juvenils, là, ont nulé 1-1 contre Cardinal Roy. Les équipes vont tous reprendre le collier, là, en fin de semaine. Nos Benjamins vont jouer à Québec samedi à 18h. Tandis que, dans le fond, nos matchs là, en cadet et en juvénile là, vont être incrustés pendant le tournoi, puis oui, dans le temps de Saint-Félicien. Un match chacun. Là, le cadet va jouer à Mastoyage samedi et à Saint-Félicien dimanche. Puis pendant ce temps-là, les juvéniles vont faire l'inverse. Le samedi, vont jouer à Saint-Félicien et dimanche, vont jouer à Mastoyage. OK. Donc, ça fait pas mal de tour. Allez, parle-moi de cette classique hivernale. Première qui va avoir lieu sur le lac Saint-Jean, ça va compter au classement. C'est une belle initiative, ça. Ouais, dans le fond, là, on a tout mis le site. Je suis allé voir encore ce matin, là, c'est superbe. Il avait tombé dans la neige, puis il était en train de la déneiger. Les grillages ont été posés également. Là, il reste à faire nos lignes la semaine prochaine. Et puis là, ben, on se croise les doigts par rapport à la température. Nous, les Benjamins, vendredi prochain, là, on organise une pratique là, sur le village sur glace pour tester la glace, là, si elle va craquer, si elle a une belle qualité. C'est sûr que si nous, on s'enligne pour un trois matchs d'affilée, là, Benjamin, Cadet, Juvénil, avec le point des joueurs qui diffère. Là. Donc, on veut s'assurer qu'on ait une belle glace pour toute la journée. Si c'est pas le cas, ben, on va annuler les autres matchs. Je crois vraiment que ça va être possible de le faire en Benjamin. En cadet juvénile, on va l'évaluer. Et encore une fois, c'est selon la température. S'il fait trop froid, on va devoir annuler. Tout va être reporté au lendemain. Puis s'il fait pas un combo, ben, ça va être tout simplement remis à Mastaillage les matchs, étant donné que c'est la ronde de tombe là dans notre aréna à Robert-Val. Okay. La fin de semaine prochaine. Okay. On se reparle la semaine prochaine, Simon? Ouais, puis tu sais, on est en train là, on a annoncé aujourd'hui notre deuxième porte ouverte là pour donc tu sais, toutes les jeunes de la commission scolaire sont invités là, lundi 11 février à venir prendre l'information, à venir faire la pratique avec nous sur la glace. Ça, c'est nous, c'est notre personnel qui va donner la pratique, ça donne une clinique de plus, c'est tout à fait gratuit. On commence à regarder des jeunes là, pour le futur. S'il y en a qui ont des questions ou quoi que ce soit, ils peuvent me rejoindre sans problème là, à mon numéro, là, c'est quand même assez bien indiqué là, dans les publications. Donc, le monde, ils ont juste à. Ils ont pas à gêner, ils ont juste à communiquer, on va leur répondre. OK. Donc, on s'en parle prochainement, Simon. Ça marche. Le responsable des programmes de hockey, Simon Godreau.